je fais le vide avant de te dire ça. Aucun M n'est X'. Quelques X sont M. Donc quelques X sont Y. J'ai fait un vide en te disant ça. Tout F est G. X est donc F. Donc X est G. Tout homme est mortel. Je suis une femme. Donc je suis mortelle. Tout est complexe. Comme l'identité de l'heure. Petit il se trouve donc dans l'entité des prisonniers. Je m'ennuie avec les maths. J'aimerais prendre un peu l'air. Partir ailleurs.